c'est pour le martyr là. Mais en réalité c'est que Chi. Ouais, ce genre de mec je les connais. Attends, ce genre de mec je les connais. C'est les mecs qui font les sorties de maternelle. Oh putain. La petite Marjorie là. Eh, t'aimes les sucettes là? Tu vas voir ma sucette là. La sucette avec le bout rouge. Tu vas voir ça là. Je connais ce genre de mec là. C'est des pervers là. Salopards.